On est plus d'un million à butiner la ruse, truandés pour des sommes futiles. Les armes qu'on utilise fructifient nos artifices. Au moindre bif, on accélère le processus. Crime pour la race humaine, quasiment plus aucune estime. Pris en chasse par le surréalisme, comment assurer l'avenir quand purée ma mélanine. Au cœur des troubles, traîné en bas des tours, plus de montants. La futilité fière a pris de mon temps. Nouveau millésime, grosse citizen, cité zen, vire. Ma cité a des ailes, tire sur des hommes has-been. Pour le style, philo casse-pipe. Non, même pas les reins, pas le rôle pour le casting. Sarcastique, ça joue les stars qui pèsent. Le réel prend le dessus quand c'est les stars qui freinent. Cœur triste, bonheur n'est pas la gaufre planquée dans le parking. Meurtri, dur de mener vie d'artiste. Tu vis dans un blonde, telle bombe, James Bond, armée de plomb, furtivement chemin de plan flouze. C'est futile, un black utile sur une pelouse mutilée, un black crucifié ou fusillé. Dans l'immédiat, on cruciforque, les médias nous enfoncent, cruciforme dans le ventre, uniforme bleu, blanc se vente. Des faits divers quelconques, plan coke, vente, skunk, bang, braque et ma couleur sont les prothèses les plus futiles pour exécrer mon face. N'est-ce qu'un efface de test, n'est-ce qu'un cheveu d'un homme pendant sa sieste. Et futilité, ce qu'on fait de mieux dans mon 9-2, c'est qu'on fesse près du crime mieux. Hostile au Capitole, Kremlin, rien craindre, speed pour deal. Ma capitale, certains speak, crime maigri dans le deal. Débile nos chaussées, le sèche chaussette sans défaite. Chaude, c'est dur non-stop, c'est futile et indécent. Réveille-toi.